reste de soi qui se finira et partira. Rester dans l'histoire, rester en mémoire, on finira par s'éteindre, à force de se craindre. L'espèce humaine conserve trop de haine. La pluie tombe, tombe, comme pour effacer les erreurs passées. Ce n'est qu'illusoire, c'est ancré dans ma mémoire. La pluie tombe, tombe, comme pour supprimer les traces laissées. On tente de remonter, mais rien n'est fait. De soi qui se finira et partira. Écrire une page, laisser une image, on finira par s'éteindre, à force de se plaindre. L'espèce humaine conserve trop de peine. La pluie tombe, tombe, comme pour effacer les erreurs passées. Et ce n'est qu'illusoire, c'est ancré dans ma mémoire. La pluie tombe, tombe, comme pour supprimer les traces laissées. On tente de remonter, mais rien n'est fait. Tout ne dure qu'un temps, alors profite maintenant. Reste dans l'histoire, reste dans les mémoires. Tout ne dure qu'un temps, tout ne dure qu'un temps. La pluie tombe, tombe, la pluie tombe, tombe, la pluie tombe, tombe, la pluie tombe, tombe.